إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve aujourd'hui afin de parler des mérites du mois dans lequel nous allons bientôt entrer, inshallah ta'ala, qui est le mois d'Allah, al-Muharram. Le mois d'al-Muharram fait partie des quatre mois sacrés auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné un rang particulier. Et ces quatre mois diffèrent des autres mois de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 36 de surat al-Tawbah, Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans le décret d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Ces quatre mois sont des mois qui étaient déjà révérés et considérés comme sacrés avant même l'islam. En effet, les polythéistes ne combattaient pas durant ces mois en raison de leur sacralité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith authentique que ces quatre mois dont il est question dans ce verset sont les mois de Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, puis le mois d'Allah, Al-Muharram. Al-Muharram fait donc partie des mois sacrés, et ceci est une de ses particularités, et un de ses mérites par lesquels il se distingue des autres mois de l'année. Al-Muharram, c'est aussi le mois que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont choisi pour être le premier mois de l'année hégérienne, qui est le calendrier des musulmans, et celui auquel il nous incombe à tous de nous référer. Le mois d'Al-Muharram se distingue aussi des autres mois, car il a été honoré en étant appelé le mois d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le mois d'Allah Al-Muharram. Ceci est donc une de ses particularités immenses qui indique son rang éminent parmi les mois de l'année. Il est donc nécessaire pour nous de connaître les mérites de ce mois, afin de pouvoir en tirer profit et ainsi saisir cette occasion pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir sa miséricorde et son agrément. Premièrement, parmi les choses légiférées durant ce mois, il y a le fait de ne pas être injuste envers soi-même, de ne pas causer de tort à sa propre personne, et ce, en commettant des péchés et des mauvaises actions. En effet, lorsque tu commets des péchés, lorsque tu fais une mauvaise action, lorsque tu transgresses un des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne te causes du tort qu'à toi-même. Car c'est toi qui auras à rendre compte de ces mauvaises actions et qui en supportera les conséquences. Donc faire un péché, c'est une injustice envers toi-même. Tu te causes du tort. Et ces péchés, ils sont interdits tout au long de l'année. Il n'y a pas un jour durant l'année durant lequel les péchés sont permis. Mais tout au long de l'année, les péchés sont interdits. Et durant les mois sacrés, comme le mois d'Al-Muharram, le musulman doit faire encore plus d'efforts pour s'écarter des péchés et de toute cause menant au péché. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, comme vous venez de l'écouter, « فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ » Ne soyez donc pas injuste envers vous-même durant ces mois. C'est-à-dire ne vous causez pas de tort en commettant des péchés durant ces mois. Car ces péchés sont une injustice envers vous-même. Et l'injustice durant les mois sacrés est plus grave en termes de péché que l'injustice durant les autres mois de l'année. Donc le musulman, il doit être attentif à cela et être conscient de la valeur de ces mois qui sont les quatre mois sacrés, parmi eux le mois d'Al-Muharram. Deuxièmement, parmi les choses légiférées, durant le mois d'Allah Al-Muharram, il y a le fait de multiplier le jeûne. Car le mois d'Al-Muharram est un mois durant lequel le jeûne surérogatoire est particulièrement recommandé. En effet, l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jeûne après celui de Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram et la meilleure prière après l'obligatoire est la prière de nuit. » Donc ce qui est visé par ce hadith, c'est l'encouragement à multiplier les jours de jeûne durant ce mois. Il est donc recommandé pour le musulman, celui qui en a les capacités, de faire des efforts durant le mois de Muharram, en multipliant les jours de jeûne. Et peut-être que cette action, par laquelle tu espères obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera la cause pour que tu sois sauvé du feu de l'enfer. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne est une protection par laquelle le serviteur se protège du feu. » C'est-à-dire que lorsque tu jeûnes, tu te protèges du feu, car le jeûne est une adoration. C'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une protection contre le feu de l'enfer. Mais également lorsque tu jeûnes, tu te protèges du feu, car le jeûne te permet de t'écarter des péchés et des mauvaises actions plus que tu ne le fais lorsque tu ne jeûnes pas. En effet, lorsque le musulman est en état de jeûne, il est en adoration tout au long de la journée. Il a donc le cœur moins distrait. Il est plus attentif aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à ses interdits. Ainsi, lorsqu'il jeûne, il fait plus d'efforts dans le bien, et il fait plus d'efforts pour s'écarter du mal, des péchés et des mauvaises actions, et toutes choses menant à cela. Il y a donc un grand mérite et un grand bien pour toi dans le jeûne, et ce de manière générale, et d'autant plus durant le mois d'Al-Muharram. Donc celui qui en a les capacités, qu'il multiplie le jeûne durant ce mois. Qu'il jeûne autant qu'il peut, afin d'obtenir ainsi de nombreuses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, parmi les mérites les plus immenses du mois d'Allah al-Muharram, il y a le fait que c'est durant ce mois que le prophète Moussa alayhi salam ainsi que son peuple furent sauvés de Pharaon et son armée. Vous vous rappelez du récit de Moussa alayhi salam? Pour ceux qui ont suivi avec nous les cours sur les récits du Coran, on a vu ce récit lorsque Moussa alayhi salam se retrouve face à la mer et qu'il y a derrière lui Pharaon et son armée, puis que certains pensent qu'il n'y a plus d'issue, et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Moussa de frapper la mer, que celle-ci se sépare et qu'il la traverse, puis que Pharaon et son armée finissent noyés. Ceci a eu lieu durant le mois d'Al-Muharram. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapportent que lorsque notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il vit que les juifs jeûnaient le dixième jour de ce mois, le dixième jour du mois d'Al-Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc interrogés à ce sujet. Ils ont répondu, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple et a anéanti Pharaon et son peuple. Moussa alayhi salam jeûnait donc ce jour pour remercier Allah, c'est pour cela que nous jeûnons. Il jeûnait donc le dixième jour du mois d'Al-Muharram à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a accordé la victoire à Moussa alayhi salam en ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Nous sommes plus dignes de Moussa que vous. » En effet, les musulmans sont plus dignes de Moussa alayhi salam que les juifs. Car si Moussa alayhi salam était vivant, il aurait suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'eux ont mécru en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner. Et ce jour est le jour de Ashura, ce jour durant lequel il est fortement recommandé de jeûner. On a vu dans le deuxième point que le jeûne est méritoire et recommandé durant tout le mois d'Al-Muharram. Mais le dixième jour, qui est le jour de Ashura, est le jour le plus important et le plus méritoire. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapportent de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que celui-ci a dit, je n'ai pas connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jeûné un jour en recherchant son mérite sur les autres jours, en dehors de ce jour qui est le jour de Ashura. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait au jeûne de ce jour qu'il considérait comme un jour très méritoire. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé au sujet du jeûne du jour de Ashura. Et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « J'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année passée. » C'est-à-dire qu'en jeûnant ce jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, en jeûnant le jour de Ashura, tu obtiens le pardon et l'expiation des péchés que tu as commis durant l'année passée. Tous les péchés que tu as commis cette année. En jeûnant seulement ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, te les expie et te les pardonne. Tu vois donc que c'est un mérite immense que le musulman doué de raison ne peut pas négliger. Celui qui n'est pas en mesure de multiplier le jeûne durant le mois d'Al-Muharram, il lui convient au minimum, de jeûner le jour de Ashura, afin d'obtenir cette récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, obtenir le pardon de ses péchés, mais aussi, à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour la victoire qu'il a accordée à Moussa alayhi salam en ce jour. Et le mieux dans la pratique de ce jeûne est de se distinguer des juifs en jeûnant le 9e et le 10e jour. C'est-à-dire le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram, et le jour qui le précède, le 9e jour. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Si je suis encore vivant l'an prochain, je jeûnerai certes le 9e jour. » C'est-à-dire en plus du jour de Ashura. Et dans d'autres narrations, on rapporte de lui sallallahu alayhi wa sallam sa parole « Jeûner un jour avant et un jour après. » Et dans une autre narration, « Jeûner un jour avant ou un jour après. » Il est donc recommandé de jeûner le jour de Ashura, et le mieux est de jeûner aussi la veille, le 9e jour. Et si tu jeûnes le 10e et le 11e jour, ou bien le 9e, le 10e et le 11e jour, alors ceci est une bonne chose, inshallah ta'ala. Car tout ceci permet de te différencier des juifs, mais aussi de multiplier tes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu jeûnes la majorité de ce mois, ou même le mois en entier, alors c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, tout en veillant à ne pas manquer le jour de Ashura. Et j'attire votre attention ici sur le fait que le jour de Ashura, ce n'est pas un jour de deuil, ce n'est pas un jour de pleurs, ce n'est pas un jour de tristesse, comme le considèrent les chiites qui commettent en ce jour de nombreux actes innovés et même des actes insensés, s'opposant aussi bien à la religion qu'à la raison. Vous avez tous déjà certainement vu ce qu'ils font comme acte ignoble en ce jour, en se fouettant le dos, en se tranchant la tête, wal'iyadu billah, et d'autres actes insensés qui ne font en rien partie des actes légiférés dans notre religion. Il est important de souligner cela. Ces chiites que vous voyez commettre ces actes, il est important de comprendre que l'islam et les musulmans sont innocents d'eux et de leurs actes. En effet, les chiites, les rawafid, ne sont pas musulmans. Ils ne croient pas au Coran dans lequel nous croyons. Ils considèrent que le Coran est falsifié. Ils ne croient pas au prophète auquel nous croyons, sallallahu alayhi wa sallam, car ils considèrent que Jibril alayhi salam s'est trompé et qu'il a fait une erreur en descendant la révélation à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils considèrent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète, ils considèrent que ceux-ci sont pour la plupart des mécréants, wal'iyadu billah. Ils accusent notre mère, Aïcha radiallahu ta'ala anha, d'un péché immonde duquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. Et d'autres choses encore, parmi les croyances des chiites comme l'exagération au sujet des morts, l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite parmi les choses qu'ils font, qui sont des actes dont l'auteur ne peut être musulman. Donc il est nécessaire que le musulman comprenne que les chiites d'Iran, ou encore les Houthis au Yémen, ou encore les Nusayriya en Syrie, ils ne sont pas musulmans. L'islam et les musulmans sont innocents d'eux et de leurs actes. Et ce qu'ils font en ce jour, durant le jour de Ashura, ou en d'autres moments de l'année, l'islam et les musulmans sont innocents. Et cela c'est très important, afin qu'il n'y ait pas de confusion. En effet, imaginez un non-musulman qui observe leurs actes, il pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette religion qui ordonne aux gens de se fouetter le dos et de se trancher la tête? Il n'y a pas de doute que ceci est insensé, et qu'une personne voyant cela n'aura aucune envie à entrer et à accepter cette religion. Donc il est important pour nous de savoir que l'islam est innocent d'eux, et de faire savoir aux gens que l'islam est innocent d'eux et que ces gens-là ne sont pas musulmans. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider à l'islam et de les ramener à la raison et à la vérité. Quoi qu'il en soit, ils font cela prétendant manifester leur tristesse suite au meurtre d'Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait été tué en ce jour. Il n'y a pas de doute que la mort d'Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, est une calamité. Mais ceci n'est pas un prétexte pour commettre des innovations et des mauvaises actions. Comme toute calamité, on doit y faire face en faisant preuve d'endurance face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se lamenter ni s'indigner ni commettre des innovations comme ces chiites le font. La seule chose spécifiquement légiférée en ce jour, c'est le jeûne. Quant aux lamentations, aux coups de fouet, aux coups de couteau sur le corps, tout ceci, comme on l'a dit, n'a aucune origine dans notre religion. Et de la même manière, il n'est pas légiféré de particulariser le jour de Ashura par la préparation de repas ou de gâteaux particuliers, comme on pourrait le faire pour le Eid, car le jour de Ashura n'est pas un jour de fête. Il y a certaines personnes, parmi les ignorants, qui, à l'inverse des chiites, considèrent ce jour comme un jour de joie et un jour de fête. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font preuve de largesse envers les enfants en ce jour, ils se font des cadeaux, préparent des repas particuliers, et ainsi de suite. Et tout ceci n'a aucune origine dans la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des innovations et des choses nouvellement instaurées en religion, comme l'a mentionné l'éminent Cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala. Le musulman doit donc sans cesse se rappeler que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent s'obtenir que par la sincérité et le suivi de la législation du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes tes œuvres, tu dois les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant d'accomplir une œuvre, tu dois t'interroger. Est-ce que ceci est légiféré? Y a-t-il une preuve dans le Coran et la sunna, légitimement, cet acte que je souhaite accomplir? Tu dois t'interroger à ce sujet. Car même si tu es sincère, même si tu ne recherches que le bien, même si tu ne souhaites qu'obtenir la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'as pas une mauvaise intention, si tu accomplis des actes qui ne sont pas conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ceux-ci sont rejetés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. Elle n'est pas acceptée. Il est donc impératif que toutes tes œuvres soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles soient conformes à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que, pour terminer, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il n'y a aucune œuvre particulièrement légiférée au début ou à la fin de l'année. En effet, en ces jours, il y a certaines personnes qui font circuler des messages. Une année va terminer, une année va prendre fin, repentez-vous à Allah. Commencez votre nouvelle année par le repentir. Faites un bilan avec vous-même, repentez-vous de vos péchés, ainsi de suite. Et ceci n'a aucune origine dans la législation. Le repentir, il est demandé à chaque instant, et pas spécifiquement en fin d'année ou en début d'année. Tu ne dois pas attendre la fin de l'année pour te repentir de tes péchés. Mais lorsqu'il t'arrive de faiblir et de commettre un péché, il t'incombe de te repentir immédiatement, d'implorer immédiatement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de regretter ce péché, de le cesser, d'avoir la ferme volonté de ne plus le commettre. Tu ne dois pas attendre la fin de l'année. Tu ne dois pas retarder le repentir. Car il se peut que tu meures avant même d'avoir eu le temps de te repentir. Donc pourquoi le repousser? Pourquoi attendre un moment spécifique? Pourquoi attendre la fin de l'année ou le début de l'année? Ou comme certaines personnes le font, attendre le mois de Ramadan ou un autre moment? Non. Dès que tu commets un péché, tu te repens. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne retardes pas le repentir, mais tu t'empresses d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'autres personnes, influencées par la culture et les coutumes des mécréants, se sont mis à les imiter en célébrant le nouvel an égyrien. Ils se réunissent alors le dernier jour du Dhul-Hijjah, la veille du premier jour de Muharram, et ils veillent durant cette nuit, comme le font les mécréants, en commettant différentes sortes de péchés, wal'iyadu billah. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des choses blâmables desquels le musulman doit s'écarter et qu'il doit interdire pour tous les méfaits que cela comporte, mais également car ceci est une manière de s'assimiler aux mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Celui qui s'assimile à un peuple en fait partie ». Et les seules fêtes qui sont légiférées dans notre religion, ce sont nos deux fêtes annuelles qui sont Eid al-Fitr, la fête de la rupture, le premier jour de Shawwal, après le mois de Ramadan, et Eid al-Adha, la fête du sacrifice, qui est le 10e jour de Dhul-Hijjah. Quant à toute autre fête qui peuvent être célébrées par certaines personnes s'affiliant à cette religion, alors ce sont des fêtes innovées, qui n'ont aucune origine dans notre religion et qui doivent être rejetées, desquelles le musulman doit s'écarter et auxquelles il ne doit en aucun cas et sous aucun prétexte y participer. Ceci était donc quelques points et quelques rappels liés à ce mois immense dans lequel nous allons bientôt entrer, qui est le mois d'Allah, Al-Muharram. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter de ce mois, de nous aider à profiter de notre temps de manière générale, de nous rappeler que chaque jour qui passe, c'est un jour de notre vie qui est passé, que chaque jour qui passe, c'est un jour par lequel on se rapproche de notre terme et qu'à un moment ou un autre, notre vie prendra fin et que seul ce qui nous profitera, ce sont les bonnes œuvres que nous aurons accomplies sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la législation de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui nous profitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai mentionné dans plusieurs cours déjà, tu ne sais pas quelle est la bonne action qui sera acceptée de toi. Tu ne sais pas quelle est la bonne action qui sera la cause pour que tu sois sauvé du feu de l'enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse entrer au paradis. Donc, ne méprise rien parmi les œuvres de bien. Multiplie les bonnes actions. Fais de grands efforts pour t'écarter des péchés et des mauvaises actions. Et, comme on l'a dit, durant ce mois, l'œuvre la plus importante à ne pas négliger et que tu ne dois pas manquer est le jeûne de ce jour qui est le jeûne de Ashura, en l'accompagnant, au mieux, d'un jour avant ou d'un jour après, comme vous l'avez entendu et comme on l'a mentionné. On va donc s'arrêter là, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayraa.